hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, c'est la jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc c'est tous les troisièmes lundis du mois en direct de 19h à 20h30 et retransmis le jeudi, le quatrième jeudi du mois, le matin de 8h à 9h30. Donc merci de nous écouter aujourd'hui et vous pouvez éventuellement nous réécouter sur un blog qui s'appelle le blog de la jungle des luttes où on met régulièrement nos émissions de radio. Vous pouvez aussi rencontrer le comité de solidarité le 1er, 3e, 5e mercredi du mois à 20h30. On est dans les locaux de la CNT depuis 1995, donc qui nous accueille. On y parle notamment des apatistes qui se sont soulevés donc en 1994 au Chiapas, mais aussi des luttes au Mexique avec le Congrès national indigène formé sous l'impulsion des apatistes. Mais aussi, c'est la jungle des luttes. Dans le chaos du monde, des luttes, il y en a à peu près partout. On regarde pas que le Mexique, on regarde toutes celles qui nous touchent ou celles qu'on rencontre à travers des journées, des salons, des rencontres personnelles, des voyages des uns et des autres. Et donc là, justement, ça nous intéressait de parler d'un territoire qui s'appelle Kanaky, qu'on connaît en France sous le nom de Nouvelle-Calédonie. Et il y a des enjeux importants aujourd'hui, comme depuis déjà très longtemps. Et donc, il y avait Mina, à qui on a proposé de faire une émission. Et heureusement, malheureusement, elle n'est pas en direct avec nous, mais elle était justement sur place en Kanaky, à Nouméa, où il y avait justement une grande journée de mobilisation. Et donc, c'est ce qu'on va vous passer dans cette première partie d'émission. Et donc, Mina, c'est une représentante en France de l'USTKE, l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, et qui est également Paris, dans le collectif Solidarité Kanaky. Donc, elle nous propose la présentation de cette journée. Ce sont donc ces enregistrements qu'on va vous passer aujourd'hui. En deuxième partie, on sera avec un ancien du CSPCL, ou encore toujours, mais plus trop présent. Et donc, lui, il nous racontera son expérience en Irak, mais plutôt précisément dans la région du Shingal, une expérience d'autonomie. Après avoir voulu aller à Rojava, c'est finalement là-bas qu'il a été envoyé. Donc, il va partager avec nous cette expérience. Donc, on est toujours sur la jungle des luttes 106.3. C'est parti, la Kanaky. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire un point sur la grande manifestation qui a eu lieu samedi 13 avril à Nouméa, en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Dès 8h du matin, les indépendantistes s'étaient donné rendez-vous sur la place de la paix à Nouméa. De tous les quartiers de la ville, ce sont des milliers de jeunes, de familles et des militants qui ont convergé vers le centre-ville avec leurs drapeaux aux couleurs de la Kanaky, rouge, jaune et vert. Eh bien, tous les magasins et restaurants avaient fermé leurs rideaux. Et en plus, la mairie de Nouméa avait demandé l'arrêt des lignes de bus, obligeant des milliers de personnes à marcher des kilomètres. Du nord, du sud, du centre, d'autres bus avaient fait le déplacement de toutes les régions de Kanaky. Et c'est une vraie marée humaine qui a rassemblé plus de 50 000 personnes au centre-ville. Alors sur une population totale de 270 000 personnes, c'est tout de même 20% de la population. Près de 20% de la population. Une véritable démonstration de force et un message très fort envoyé à l'État français. Ici, c'est Kanaky, scandait la foule. Les indépendantistes entendaient ainsi contester le projet de loi de l'État pour dégeler le corps électoral. Alors qu'est-ce que c'est que ce dégel du corps électoral ? Eh bien, on ne peut pas expliquer cela sans rappeler un peu l'histoire. Il faut savoir que les Kanaks sont minoritaires sur leurs terres, dû à une colonisation de peuplement qui perdure encore aujourd'hui. Ils représentent aujourd'hui environ 40% de la population. les Kanaks se sont toujours battus pour exister et revendiquer la pleine souveraineté de leur pays. En 84-88, il y a eu une quasi-guerre civile qui s'est terminée par des accords de paix, les accords de Matignon-Oudinot signés en 88, puis les accords de Nouméa signés en 98. Ces derniers accords engageaient le pays dans un rééquilibrage économique en faveur de la population kanak et une décolonisation progressive, avec les transferts de compétences des administrations de la France vers la Calédonie. Dans ces accords était inscrit aussi un corps électoral restreint, c'est-à-dire restreint aux Kanaks et aux Calédoniens de souche et leurs descendants, pour les élections provinciales et référendaires qui concernent directement l'administration du pays. Pour voter, il fallait être rentré avant 1998. Eh bien, l'État, avec la pression de la droite coloniale ici, veut modifier ses conditions de vote et permettre aux nouveaux venus de voter. Alors, nouveaux venus, c'est 10 ans de résidence au lieu de 30 ans de résidence aujourd'hui. Cela concernerait environ 25 000 nouveaux votants et noierait de façon quasi définitive les voix des Kanaks au niveau des élections. Cela réduirait aussi considérablement leur possibilité d'accès à l'indépendance. On sait que les métropolitains aujourd'hui, qui bénéficient de nombreux avantages, sont très hostiles à l'indépendance. Et cela modifierait complètement les équilibres politiques et sociaux durement acquis par les Kanaks. Aujourd'hui, ce sont les indépendantistes qui ont gagné les dernières élections, qui sont à la tête du gouvernement et du Congrès du pays. Ils mènent de grandes réformes fiscales, économiques, et cela, la droite ne le supporte pas. Quoi qu'il arrive, les Kanaks l'ont dit et répété, jamais ils n'abandonneront leur objectif de devenir indépendants. Et cela, ils l'ont bien fait entendre ce samedi 13 avril dans les rues de Nouméa. On va justement être dans les rues de Nouméa avec des sons. Donc je rappelle que c'est Emina qui était sur place, qui a pu nous rapporter ces sons de cette manifestation qui a eu lieu samedi dernier. Dans 6.3 FPP en direct de Kanaky, grâce à Mina, merci. Et donc justement, c'est les interventions qui ont eu lieu, qu'on va vous passer, enfin une partie des interventions. 106.3 FPP, Jungle des Luttes. Merci CCAT, merci d'avoir amené Kanaky ici. Merci Djoubéa d'accueillir Kanaky ici. Quand je vois le peuple Kanak, je pense à Ataï. Parce qu'avant de rentrer chez Ataï, Odmawa, la danse de Pilo, a récivé. C'était le chemin pour aller à la guerre. Et on y est aujourd'hui. Merci Djoubéa et merci CCAT. Quand je vois aujourd'hui, nous sommes en 2024. 2024, ça vous parle, 84, c'est 40 ans. Eh bien, je pense à Wegoa, je pense à Gerdani, je pense à Kanala, à Ouvéa, à Maré, même là, les petits Zongo. Mais c'est le coup de la paix qu'on a connu pendant ces 40 ans. La paix, c'est nous qui l'avons payée. Aujourd'hui, nous arrivons dans une phase où on doit jeter les dés. Est-ce qu'on continue sur cette voie-là Ou est-ce qu'on recommence sur notre histoire? Parce qu'en face de nous, les gens ne sont pas sur la même trajectoire. Vous savez que l'accord de Nouméa, c'est un accord, donc c'est un contrat. Et le contrat-là, c'est un contrat qu'on appelle sui generis. Ça dit que c'est un contrat qui n'obéit à aucune règle, à aucune norme nationale. C'est quelque chose qu'on doit inventer. L'accord de Nouméa doit être inventé. Et quand les autres ils parlent de démocratie, leur notion de démocratie, c'est celle à la française. 67 millions, 70 millions d'habitants. Ils veulent nous l'imposer, cette démocratie. Le sui generis, il dit, la démocratie, c'est le peuple que vous allez créer entre Calédoniens. C'est ça la véritable démocratie qui est contenue dans la commune. Et donc, aujourd'hui, quand on entend les autres qui disent qu'il faut ouvrir, il faut venir noyer le peuple Kanak, eh bien ça, c'est la démocratie française, ce n'est pas la démocratie que nous, nous avons signée pour mettre en place. Donc je dis ça parce que là, il y a une équipe qui va partir à la fin du mois, là. Elle va partir à Paris, ce sont nos responsables. Eh bien, eux, ils disent... Ils vont aller voir Macron, simplement pour lui demander de retirer son projet de loi constitutionnelle qui va dégeler le corps électoral. Parce que c'est un élément qui argumente le discours sur une démocratie française alors qu'il n'a pas sa place ici. Donc c'est ça qu'on dit, retirer ce projet. Ils vont aussi dire... Darmanin, c'est un menteur. Il a assez fait du mal. Et aujourd'hui, nous, on a fait tout ce qu'il fallait. On a discuté avec Darmanin, ça n'a pas marché. On a discuté avec les clones à Darmanin, ça n'a pas non plus marché. Parce que c'est qu'une seule parole chez eux. Eh bien, nous avons dit aujourd'hui, Darmanin, on n'en veut plus. Et nous demandons qu'il y ait une équipe, une mission de dialogue composée d'éléments qui sont dans les assemblées, Sénat ou députés, Assemblée nationale, mais pas dans le gouvernement, parce qu'ils sont partis pris. Et donc ce sont ces équipes-là qui vont se déplacer en fin de mois. Il y a un courrier qui a été envoyé au président ce matin, hier matin, et puis il y a un communiqué qui a été envoyé à l'ONU pour dénoncer les tentatives de Darmanin, parce qu'il est au C24 aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ONU. Il va essayer de décrédibiliser notre revendication d'indépendance. Donc il va dire retirer, ils sont d'accord, comme il s'est menti. Eh bien, il est à l'ONU pour dire que nous, nous sommes d'accord pour rester tel qu'on est. C'est pour ça qu'il était important que tous les nœuds qu'on a envoyés dans les régions soient défaits pour arriver ici aujourd'hui. Il est important que le prochain appel du CCAT, il y ait encore d'autres nœuds qui se défont, parce que tous les nœuds ne sont pas encore défaits. Il faut que le peuple kanak soit là. Et puis, il y a aussi le fait que quand on se positionne par rapport à ce pays à construire, cette démocratie à mettre en place. On se positionne par rapport à un discours qu'on doit faire avec l'État, mais le dialogue entre nous, il doit continuer. Il doit continuer parce que c'est notre responsabilité, nous les indépendantistes, d'aller leur apprendre à nos amis d'en face, à leur apprendre à dire faisons notre pays, discutons ensemble, faisons notre démocratie. Il faut le faire ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ils obéissent aux règles, à la philosophie de la fameuse démocratie française. Ce n'est pas le nôtre, ça. Donc c'est ça qu'il faut qu'on leur dise, et pour ça, il faut coûte que coûte, soyez attentifs, il faut que nos discuteurs continuent les discussions avec eux. Il faut les ramener, c'est notre responsabilité. Il faut les ramener. La France avec la France, c'est un autre discours. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Les partenariats se font avec les responsables qui iront discuter avec l'État. Mais nous, les Calédoniens, il n'y a pas que nous qui sommes ici, les Calédoniens. Je vois qu'on a dit tout à l'heure, il y a des Kanaks, il y a des non-Kanaks, il y a des Caldoches, il y a des Wallisiens, Futuniens, des Océaniens. Mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi des Calédoniens qui sont de l'autre côté, mais qui n'ont pas encore compris que leur place, il est ici, et que leur responsabilité, elle est de construire notre pays, et non pas de faire la copie, copier-coller là, de la France. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour nous dire que nous sommes responsables des jours qui viennent. La loi qui doit passer, il est passé au Sénat, il va passer là à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale vote contre, il ne fait pas le même vote que le Sénat, ça revient. Ça va faire ce qu'ils appellent la navette. Ça vient, ça va, ça vient. Mais si ça passe, ben la loi passe, la loi constitutionnelle. Dans ce cas-là, sur l'argumentaire, de sui generis, nous irons porter un recours devant le Conseil constitutionnel pour attaquer cette loi constitutionnelle qu'ils veulent voter. Et en deuxième phase, c'est ce que disait le président Gilbert. La suite, bah, on verra. En attendant, restons mobilisés, restons à l'écoute. Et puis, je voulais aussi, comme les autres, remercier cette jeunesse-là. Parce qu'il est temps pour eux de venir, parce que nous, on commence à se faire vieux. Et puis, on attend que ça, la relève arrive. Merci. Sous vos applaudissements, Daniel Goual, le président de l'Union calédonienne. Applaudissez bien fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Kanaky, tu es là. Kanaky, es-tu là? Bon, alors, vous allez nous dire que, mais vous savez, pour Hervé, moi, c'est pas très facile. On va changer de programme encore. Mais en fait, c'est parce que vous êtes tellement nombreux et que comme l'équipe de coordination, eh ben, on doit gérer plein de choses, la sécurité, votre sécurité, et aussi que tout se passe bien et pour qu'on se fait bien voir également. Donc en fait, la petite marche, comme disait Hervé tout à l'heure, pour se dégourdir les jambes, surtout pour nous deux qui sommes debout là depuis tout à l'heure, on va démarrer d'ici, de la BCI, mais on va faire un petit tour jusqu'au Mouaka et on va revenir. On ne va pas s'arrêter là-bas, on va revenir ici parce que la majorité de vos puces sont dans les parages ici, donc de sorte à ce que vous retournez tranquillement vers vos bus. Occasion pour nous de remercier tous ceux qui se sont levés très tôt ce matin et qui sont montés dans les bus, et vous avez été vraiment magnifiques sur la route ce matin. Applaudissez-vous, vous êtes venus du plus grand nord de Kanaky. Vous êtes réveillés très tôt ce matin. C'était juste magnifique sur la route. On savait que Kanaky était là ce matin. Et vous vous êtes réveillés tôt. Vous êtes sûrement fatigués. Et vous allez rentrer fatigués chez vous d'avoir participé à cette journée de l'histoire de Kanaky. C'est vous qui faites l'histoire de Kanaky. Avant de conclure et de remettre un petit peu de musique pour s'ambiancer, si tout ça est possible, c'est parce que il y a eu des hommes et des femmes qui n'ont pas beaucoup dormi pendant des jours, des nuits, et qui sont restés à l'avenir, et qui sont restés dans leur... qui ont laissé leur maison, et qui sont venus au QG de la CCAT, l'avenir, le QG de l'Union calédonienne. Je veux qu'on fasse du bruit, beaucoup de bruit, qu'on les remercie, qu'on sente au cœur, on remercie toutes ces petites mains, toutes celles qui ont laissé leur maison, et qui ont laissé souvent la famille, pour venir contribuer à toute cette organisation. Vous êtes trop nombreux. Je ne peux pas citer vos noms, mais en tout cas, je peux citer un nom, celui que vous connaissez, il va conclure, celui qui a fait lever tout ça, mais pas tout seul, avec toute son équipe derrière lui, sous vos applaudissements. Bichounière. Juste avant que Mama Bichou prenne la parole. Donc là, du coup, on n'a pas tout passé hein, dans le bon ordre. Donc on va pas écouter Bichou là tout de suite. On est toujours sur la jungle des luttes 106.3 FPP, fréquence Paris Pluriel, avec Mina qui était en Kanakinuméa, Nouvelle-Calédonie, quand on parle depuis la métropole France. Donc elle était samedi à cette grande manifestation d'indépendantistes. Et on continue. Il faudra que vous gardiez dans vos mémoires, longtemps encore, le souvenir de cette illustre journée. C'est une journée qui s'inscrit dans la longue lutte pour notre liberté et notre dignité. Et pour ça, je voudrais qu'on salue l'équipe de la CCAT. Parce qu'ils ne font que poursuivre le combat pour la liberté. Merci à vous, les frères. Longue lutte. Et puis, cette lutte, elle est passée par cette poignée de main en 1988. Que dit cette poignée de main? Deux choses essentielles. La paix dans notre pays. Recommettant, on a parlé tout à l'heure. Mais pour que cette paix dure, les conditions pour une paix durable en Nouvelle-Calédonie, l'impartialité de l'État français au service de tous les Calédoniens. L'État est en train de marcher sur la poignée de main en ce moment-là. Il faut faire attention à ça. L'autre chose, la poignée de main, la route qui nous a été tracée, c'est la décolonisation de notre pays. C'est pour ça que jamais nous n'accepterons les résultats de la troisième consultation bidon. Jamais. Jamais, nous, le peuple canadien, nous n'accepterons ce résultat-là. Parce que nous n'y étions pas. Et parce qu'on en a dit qu'on a trop souffert dans nos foyers, dans nos clans, dans nos familles, dans nos tribus, dans nos quartiers, qu'on ne pouvait pas aller voter. Et on a dit non-participation. Parce que si on avait dit boycott, ben on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut garder la mémoire de cette poignée de main. Jamais nous n'accepterons les résultats de la troisième consultation. Et jamais nous n'accepterons la proposition de l'État qui dit maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Jamais. Il faut continuer la lutte. Il faut continuer la lutte. Et la lutte, elle passe par quoi? Elle passe par le combat de ce jour-là. Le combat pour le corps électoral citoyen de notre pays. Mes frères, c'est un combat sacré. C'est le premier combat de nos anciens qui, depuis la prise de possession de nos pays, ont enfin pu dire un mot pour leur pays. C'est un combat sacré. C'est celui qui a fait qu'on a retrouvé notre place dans notre pays. C'est celui qui a fait que les responsables politiques, en 88, en 98, ont dit quoi? On a tendu la main aux autres. On a tendu la main de notre droit aux autres. On ne lâchera pas. Le combat d'aujourd'hui, il faut se réveiller. Le combat est sacré et ce n'est pas qu'une question d'élection. C'est une question de travail pour nous, pour sauvegarder notre pays, pour nous, pour nos enfants, pour l'emploi, pour tout ce que vous avez défendu pendant toutes ces années-là. Le combat ultime aujourd'hui, c'est que le corps électoral citoyen, on ne touche pas. Il n'est pas question qu'il bouge. Le corps électoral citoyen de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont en train de faire passer un texte là. Nous, on va aller. Le FNKS a décidé d'aller. On dira deux choses. Deux choses. Retirez ce texte là. Retirez ce texte là. Et puis changez-nous le mec là. Le petit menteur là. Le petit menteur qui est à l'ONU là. Je ne sais pas, il fait quoi à l'ONU? Il a menti au Sénat. Ah non, il a commencé par mentir en décembre l'année dernière à NC Première ici, en disant que nous, ça y est, on a dit OK pour l'ouverture du corps électoral. Petit menteur. Il a menti au Sénat. Il lit un papier au Sénat et il n'est pas jusqu'au bout. Deuxième mensonge. Je parie qu'il est en train de mentir en ce moment à l'ONU. Donc celui-là, on ne veut plus voir sa tête. On ne veut pas avoir sa tête, parce que nous, on ne rigole pas, nous. Nous, c'est la liberté de notre pays que l'on cherche. On ne va pas aller tripatouiller pour dire on va chercher autre chose. La route, c'est la poignée de main. La paix de notre pays, la décolonisation de notre pays. Et il faut continuer. Gardez la journée d'aujourd'hui dans vos mémoires, les frères et les sœurs. Elle s'inscrit dans la longue lutte de notre chemin pour la liberté de Kanaky. Il ne faut pas la prendre à la légère. Merci d'être venus aussi nombreux. Je ne sais pas, on n'est pas bien. Peut-être on est 30, 40 000 là. C'est exceptionnel. La ville de Nouméa n'a jamais vu autant d'indépendantistes ici. C'est la première fois. Je rigolais avec le président Wamiton tout à l'heure là. Parce que quand on était au lycée, on a fait un petit sitting en haut là. Et on s'est fait matraquer les côtes là. Déjà à l'époque. Voilà, la route est continue. Mais il ne faut pas lâcher. Et il faut être ensemble. Le corps électoral, c'est la mère des batailles. Si on la perd, on perd tout. Si on la perd, on perd tout. C'est pourquoi c'est important. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Je salue tous les responsables politiques de tous ceux qui sont passés aujourd'hui, parce qu'ils ont compris qu'il y a des moments de notre pays, il faut être ensemble. Seule l'unité paye. Seule l'unité paye. Vive Kanaky! Vive nous! Vive nous! Et il ne faut pas lâcher. Ils sont en train de prévoir des élections là. Je suis là. Mélanie. Moi je suis parmi ceux qui disent. Et je le dis là, je prends mes responsabilités là. S'ils bougent le corps électoral, il n'y aura pas d'élection en décembre 2024. Il n'y aura pas d'élection. Pourquoi je dis ça? Je vais répéter les paroles de Tonton Éloi Bargeron, 1984. Il faut lutter, sinon c'est la mort du peuple kanak. Nous n'irons pas à l'élection, sinon ce sera notre mort. Donc il faut être ensemble. Il ne faut pas se diviser. La mère des batailles, c'est le corps électoral. C'est pour la souveraineté de notre pays, c'est pour l'indépendance. C'est pour la naissance de la nation kanaky. Tout le reste, ça viendra après. Mais d'abord, liberté. Liberté d'abord. Voilà, je vais finir là et je vais dire une seule parole. Que la lutte continue. Levez vos drapeaux, levez nos soleils sur vos applaudissements, Gilbert Culinor. Levez nos drapeaux, s'il vous plaît. On veut voir briller le drapeau. 106.3, on est toujours sur FPP, c'est la jungle des luttes, donc on est encore ensemble jusqu'à 20h30 et donc on est en Nouvelle-Calédonie et on espère très vite la Kanaky souveraine. On continue avec cette manif de samedi. Avant que Terre Abichou prenne la parole, est-ce que vous êtes là? Levez le poing! Plus de 40 000 aujourd'hui, on l'interdit à la droite. Merci. Merci mon pays. Merci Kanaky. On a dit qu'on allait s'élever dans notre pays. Fatigué d'être humilié dans notre pays. Fatigué de nous mépriser ici chez nous. Pourquoi on a attaché le drapeau de la rouge là? On n'a pas ouvert ce drapeau là. Parce qu'on l'a dit hier et avant-hier. Tous ceux qui ont connu la période des événements. Moi, je peux parler de la poignée de main à Jean-Marie. Parce que je connais le sens de cette poignée de main. Je sais cette poignée de main vient d'où? De la souffrance de notre peuple. Qu'il a fallu se lever partout dans notre pays. Et c'est ça la poignée de main à Jean-Marie. Qu'on est venu rappeler ici, là, sur l'asphalte de Nouméa. Pour dire qu'on est fatigué. Fatigué depuis quelques temps. Des ailleurs, des canaques dans leur propre pays. De nous mépriser dans notre propre pays. Mais le vieux qui est à côté de lui, on a dit aussi, qu'il va aller chercher les Calédoniens. Il y a Cyril, il y a Yann, et puis tous les autres qui sont là dans le pays. Tous les Caldoches, les Wallisiens, les Foutoniens, les Javanais, et ceux qui ont décidé de faire souche dans votre pays. Mais nous, on a dit aussi, qu'on ne reviendra plus en arrière dans notre pays. Et c'est le chemin qu'on a décidé de faire, à partir depuis 6 mois, avec la CCAT. On a dit qu'on allait se lever pour Kanaky. Et les uns et les autres, ils ont la place dans ce pays. Vous avez donné à boire et à manger. Parce que vous avez décidé que les gens ici dans ce pays. Mais il y avait du rêve que vous avez donné à tout le monde. Mais ce rêve-là, mais on veut que les gens, ceux qui sont en train de marcher à côté, mais qui rentrent parmi la foule là, parce que vous avez donné la place à chacun ici là. On ne reviendra pas là-dessus. Mais je l'ai dit ici pour l'État français, parce qu'on a décidé d'attacher le drapeau là derrière. Il va falloir à un moment donné qu'ils ne jouent pas avec notre pays, qu'ils ne jouent pas avec l'histoire de ce peuple-là. Ce peuple qui a traversé des millénaires. Et on a dit à notre jeunesse qu'on allait construire notre pays, qu'on allait bâtir quelque chose de beau. Parce que vous avez dans votre place parmi les 194 nations du monde. Mais on a dit aussi à les autres, arrêtez de prendre la main que Jean-Marie vous a donnée. C'est une main qui est considérable, cette main-là. Prenez-la. C'est la main de tous ceux qui ont connu la période de l'indigénat. Tous ceux qui ont été depuis 1853, qui en ont souffert dans leur pays. Et il est temps pour les uns et les autres de rentrer de la case, rentrer parmi nos grandes chiffries là. Et c'est ça le message aujourd'hui qu'on dit à les uns et les autres, à tous ces jeunes là qui sont là, qui portent un message de la République. Nous, les gens de France, on les aime, c'est les Français. Par contre, on leur dit, le pays du Kanaké appartient d'aujourd'hui, on ne revient plus dessus. Il faut que l'État, sur le sujet du corps électoral, et que ne joue pas avec ça. On a dit qu'on allait sanctuariser le corps électoral, que la Jean-Marie, je rappelle, il en a payé au plus fort de sa vie, la place des uns et des autres ici. Mais qu'il a saisi cette poignée de main de Jean-Marie, pour qu'on puisse enfin, on puisse clore le chapitre de la colonisation de notre pays. Mais je voulais simplement dire à vous autres, tout le monde, merci. Merci au pays Otmawa. Merci au pays Pachi. Merci au pays Adieu. Merci au pays Karachou. Merci à Yaï. Merci à Djou. Merci à Nigoné. Merci à Tokanot. Merci à Kouyé. Merci à les gens de l'Iloin. Et merci à nos familles de l'île de Bélèbe qui sont là au fond. Et tous les îles à côté de Poum, on dit merci à tout le monde. Mais voilà le message d'aujourd'hui. Merci à vos drapeaux. Parce que vous avez décidé de partager avec les uns et les autres. Mais soyez-en fiers de votre pays. Il faut relever la tête de notre pays. Parce que nous n'avons pas d'autre pays ailleurs. Et c'est le dernier message que je vous demande. Il faut rester vigilant dans la période dans laquelle on va avancer. Il faut serrer les coudes entre nous. On ne lâche plus rien. On ne négocie plus rien. Il faut aller chercher Kanaki. Merci à tout le monde. Allez, applaudissez bien fort la CCAT, vous voyez ici, ils sont montés sur scène ici, dans toute l'équipe autour de Bichou, mais ils sont encore très nombreux derrière. On applaudit bien fort la CCAT, on applaudit Madame Caroline Machoro, s'il vous plaît, on applaudit Monsieur Alozio Sacco, s'il vous plaît, on applaudit Monsieur Rokwamita, s'il vous plaît, on applaudit Madame... 106.3 FPP, on continue. Alors le CCAT, c'est la cellule de coordination des actions de terrain. Parce que personne ne le dit, puisque bon, bah, chez eux, tout le monde connaît, mais j'aurais peut-être dû le dire dès le départ. Donc on continue avec la dernière petite entretien, enfin interview qu'elle a fait, que Mina a fait ce samedi, Kanaky Nouvelle-Calédonie. On y va. Voilà, je suis avec Marie-Pierre Goyetch du Parti Travailliste et de la CCAT qui va nous faire un petit bilan de cette journée. Voilà, alors à l'appel de la CCAT, hein, la cellule de coordination d'action au terrain et de certains partis politiques également du FLNKS, effectivement aujourd'hui cette mobilisation. Il y a énormément de monde et on peut voir flotter le drapeau sur toute la place de la paix. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ça a rassemblé plus de 30 000 personnes. Donc c'est un fort message envoyé à l'État et aux pro-colonialistes de ce pays pour dire ça suffit. Ça suffit. On refuse le dégel du corps électoral. On refuse également la recolonisation de notre pays. On refuse également... Et on demande à ce que soit retirée la loi sur la réforme constitutionnelle. Il n'est pas question pour nous d'accepter ces choses-là. Et de dire en plus à l'État que ce qu'ils sont en train de faire, c'est aussi la déstabilisation du pays. Et ça, c'est grave. Il n'est pas question justement d'amener ces choses-là pour déstabiliser le pays. Donc je pense que tout le monde a bien compris qu'il y a un peuple qui s'est soulevé aujourd'hui avec ceux qui ont compris pour vouloir construire ensemble le pays. Parce qu'il y a les Kanaks, mais il y a également des Caldoches, des autres communautés qui sont présents. Je pense qu'eux aussi, pour qu'ils commencent à comprendre que l'avenir et la construction, c'est ici. Les Kanaks ont su tendre la main aux victimes de l'histoire par des accords. Aujourd'hui, il faut venir, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas écouter ces discours de la haine raciste que fait planer la droite locale ici, dans notre pays. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont mobilisés parce qu'on sait que notre pays ici, c'est un diamant dans l'océan et que notre pays est regardé. Merci en tout cas à ceux qui se mobilisent à travers le pays, à travers la région, au niveau national et international. Merci en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir que le peuple est debout, le peuple dit non et le peuple dit ça suffit. Voilà, merci Marie-Pierre. Il y a encore des milliers de personnes sur la place de la paix, sur la place des Cocotiers ici à Nouméa. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de rentrer. Les milliers de drapeaux flottent encore sur la place. Merci de votre écoute. À bientôt. Et donc voilà, il y a 10 heures de décalage avec Nouméa. Donc voilà, c'est un pays qui nous paraît quand même tout à fait étranger. Et en même temps, c'est une lutte qui nous concerne aussi. Puisqu'on est sur ce territoire français, donc justement, il faudrait continuer à être vigilant sur ce qui se passe. Et donc, bon, bah, comptez pas forcément sur nous, parce qu'on n'est pas une émission journalistique, donc on ne va peut-être pas pouvoir suivre ce qui se passe en Kanaky. Mais en tous les cas, voilà, si ça a pu vous interpeller, et ben, suivez la suite des événements. Là, on passe sur un autre territoire. Avec bah, des personnes qui, elles aussi, cherchent leur vie digne et avant tout, justement, la liberté et l'autonomie vis-à-vis des pouvoirs oppresseurs. Et donc, justement, là, on n'avait pas beaucoup de temps pour mettre des morceaux de musique. Donc là, par contre, on va avoir des morceaux qui ont été envoyés par Alex, qui est donc ce copain du Sénégal qui a fait... ce séjour dans le Shingal, région en Irak, proche de Rojava. Donc, musique, et puis ensuite, on ira avec l'entretien avec Alex, 106.3 FPP, Jungle des Luttes. يا بسر مداهاتي ويليلي ويليلي ويليلي ويليلي ويليلي دل بي بختي شكر لبين يا ريه دل بي بختي شكر لبين يا ريه Le dolu dışta şingale denge denge fermane Le dolu dışta şingale denge denge fermane Hola hola Serkeşe suar ya, be olu baver ya Sözdana şingali ya, bernadın erdu dera Sözdana şingali ya, bernadın erdu dera Hola hola, hola hola Dövrana dur dur dur 106.3 FPP, on est avec Alex qui donc est venu jusqu'à Paris pour partager cette expérience avec nous parce qu'il habite pas là. Mais donc on est avec lui, on vous laisse écouter. Merci d'être avec nous, un ancien du CSPCL. C'est l'avantage du CSPCL, c'est qu'on a des copains et des copines qui vont à droite, à gauche, qui s'intéressent au peuple en lutte, en résistance, qui construisent l'autonomie. Et donc, bah voilà, il vient nous raconter son expérience récente en Irak. Et donc, bah, je vais surtout lui laisser la parole. Et merci à toi d'être avec nous pour nous faire découvrir un monde qu'on ne connaît pas. Et donc, on est tellement nombreux que merci à toi de nous partager cette expérience. Je te laisse présenter justement ton aventure et ces peuples à qui tu vas pouvoir donner la parole. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme tu l'as très bien dit, moi, je m'intéresse à la question de l'autonomie, la construction de... autogestion par des peuples différents. C'est ça qui m'a amené au CSPCL pour mieux connaître aussi les apatistes et leur façon de s'organiser. Et comme beaucoup de gens, je me sentais attiré aussi par le Rojava, les idées du confédéralisme démocratique qui est mis en pratique dans ces terres-là. Et j'avais très envie d'aller là-bas. Et pendant les préparations, je me suis rendu compte et on m'a réorienté un peu vers une autre région voisine qui s'appelle Shengal ou Sinjar en arabe et qui est peuplée par des Yézidis qui, inspirés par les idées du confédéralisme démocratique, sont en train de construire également une autonomie qui est beaucoup moins connue et dont, voilà, c'est très intéressant d'en parler. Et qui ont formulé eux-mêmes aussi cette demande à ce qu'il y a des gens du monde entier, de l'Europe, qui viennent à leur rencontre et qui rapportent leur histoire dans leur contexte et leur localité. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire, de raconter leur histoire ici, aujourd'hui, à la radio. Et peut-être que tu peux nous dire dans quel contexte, toi, tu es allé là-bas, c'est-à-dire que tu y allais pour découvrir. Mais du coup, on t'a demandé précisément d'aller là-bas pour faire un travail, justement, de journalistique ou comment tu pourrais le définir. Donc oui, moi, j'ai eu une invitation officielle du Conseil autonome démocratique du Shengal et donc pour faire un travail journalistique sur place. Et c'était aussi ça qui m'intéressait, d'étudier le fonctionnement de ces structures-là, pour comprendre un peu mieux comment ils s'organisent, et éventuellement aussi en tirer de l'inspiration pour nos contextes chez nous, pour nos luttes ici en Europe, et des idées, des inspirations pour une démocratie plus directe. Voilà, donc j'ai envie de vous parler de ces structures de l'administration autonome du Shengal, et de toutes ces commissions et comment ils fonctionnent. Pour bien comprendre un peu d'où ça vient et le contexte, j'ai besoin de vous raconter un tout petit peu sur l'histoire du lieu, du Shengal et sur les Yézidis. Qui sont les Yézidis? Peut-être commençons avec ça. C'est une religion très ancienne qu'on dit d'être à l'origine du peuple kurde. C'est une religion monothéiste qui... vénère un dieu et ses anges, dont l'ange principal Melektaos. Et cet ange principal, dans d'autres religions, souvent est considéré comme le diable. Et sur cette base-là, des Yézidis, dans l'histoire, ont très souvent été persécutés et massacrés sous base de dire c'est un culte du diable. Et à l'origine, il y en avait des millions dans des territoires très vastes en Turquie, Syrie, Irak. Aujourd'hui, les communautés sont très réduites. Donc, on en a encore en Syrie, très peu en Turquie et principalement en Irak. Donc, sur Shengal, c'est qu'ils sont considérés comme leur terre très sacrée et aussi en Douk, à La Lèche, c'est qui est leur temple le plus sacré. Donc, faut dire que face à ça, les Yézidis ont toujours été soumis à des massacres et des génocides. Alors, compte jusqu'à aujourd'hui, ils ont vécu 74 génocides. Donc, les derniers, c'était le génocide commis par Daesh en 2014, donc il y a 10 ans. Et à cette époque-là, la région était sous gouvernance, sous administration du gouvernement régional du Kurdistan irakien, c'est-à-dire de Barzani et son parti, le KDP, ou ouais, le PDK en français. Et les Yézidis sur place étaient quand même confrontés à beaucoup de racisme venant de cet gouvernement. On disait par exemple que les produits alimentaires produits par des Yézidis n'étaient pas propres, qu'il ne fallait pas les acheter. Et voilà, c'était une population principalement faite par des paysans et donc qui étaient confrontés à beaucoup de problèmes de misère suite à cet racisme-là. Et également, ce gouvernement-là ne prenait pas très à cœur la protection des Yézidis. Il y a eu ce qu'ils considèrent comme le 73e génocide en 2007, l'attentat des camions-citernes à Tel Azer, qui est considéré comme un des attentats terroristes les plus mortels de l'histoire, en fait, qui a causé 800 morts à l'époque. Et ça a donné des premières idées de créer des autodéfenses Yézidis. Puis, voilà, ces idées d'autodéfense n'ont quand même pas mené à grand-chose. Et en 2007, tu veux dire ? En 2007, ouais. Et la région a été protégée par l'armée irakienne, donc de l'État central de l'Irak, jusqu'en 2014, quand Daesh a commencé à prendre pied en Irak. Et quand Daesh a pris Mossoul, l'armée irakienne s'est retirée de la région. Ils ont laissé derrière eux un certain nombre d'armes. Et c'est à ce moment-là que des Peshmerga, donc des forces armées liées au parti de Barzani, au Kurdistan irakien, ont pris ces positions-là et ont saisi les armes en donnant la promesse aux Yézidis de les protéger contre Daesh. Par contre, quand Daesh a attaqué la région en 2014, donc le 3 août, les Peshmerga, ils ont pris la fuite. Ils ont laissé les gens seuls se faire massacrer. Donc, très spontanément, il y a eu une poignée de combattants du PKK qui s'est rendu dans la région et aussi des Yézidis ont commencé à organiser leur autodéfense acharnée avec voilà, la force du désespoir, en fait, de se battre contre un ennemi beaucoup plus puissant qu'eux. Et ils ont quand même réussi à tenir certains villages pendant un certain temps, ce qui a quand même permis à des milliers de personnes de s'échapper. Donc ils se sont retirés sur la montagne de Shengal et ils ont réussi à tenir l'accès à cette montagne. Donc il n'y a jamais eu aucun combattant de Daesh qui a mis pied sur cette montagne. Et en étant encerclés sur cette montagne, ils ont commencé à créer des structures d'autodéfense, des structures aussi pour distribuer la nourriture, construire des abris et... Donc voilà, s'organiser en fait. Et puis après quelques jours, il y a eu du renfort qui est arrivé du côté du Rojava, donc sous forme des unités de l'YPG et l'YPG, et qui ont réussi à ouvrir un corridor par lequel les gens pouvaient s'échapper vers le Rojava. Et c'est ça aussi qui a créé des liens très forts entre ces régions du Shengal et du Rojava. Et il y a environ 15 000 personnes qui sont restées sur la montagne et qui ont dit « Non, ça, ce sont nos terres sacrées, on va les défendre jusqu'au bout. » Et donc, ils ont mené cette guerre contre Daesh. Ils ont créé et de plus en plus formalisé leurs unités d'autodéfense. Et petit à petit, ils ont commencé aussi à construire et formaliser l'administration autonome du Shengal. Donc, comment fonctionne cette administration autonome du Shengal ? C'est dans tous les villages qui ont été libérés. Il y a des conseils et des commissions thématiques pour travailler sur tous les sujets qui semblent importants à la communauté. Et on va essayer de résoudre les problèmes le plus possible au niveau local. quand il y a des problèmes plus grands, alors il y a des délégués qui vont être envoyés à des assemblées plus pour toute la région du Shingal. Et on fait très attention à ce que ce soit toujours un homme et une femme. Donc on parle en français de cette double présidence, qui la traduction du mot FCROC, pour assurer justement qu'il y a toujours une parité homme-femme et le point de vue des femmes assuré. C'est très important pour eux de faire progresser aussi la libération ou la révolution des femmes. Et pour cette raison-là, toutes les structures sont doublées aussi par une structure autonome des femmes, donc composée uniquement des femmes. Donc on va par exemple avoir dans les villages des commissions pour parler des sujets liés à la santé, liés à la construction de routes, distribution d'électricité, distribution de l'eau, éducation, autodéfense, résolution des conflits dans les villages, etc. Et donc pour chacune de ces commissions, il y aura un équivalent composé uniquement de femmes. Et il y a les autres, elles sont mixtes. Les autres sont mixtes, voilà. Et les femmes et les structures de femmes ont toujours le droit de veto. Donc s'il y a une décision qui est prise qui n'arrange pas les femmes, elles peuvent mettre un veto et cette décision ne peut pas être prise. Donc ça, c'est très important. Et en plus de ça, les femmes, ils sont organisées dans le mouvement de libération des femmes qui s'appelle TAJ. On peut peut-être mettre le lien vers cette organisation dans la description de cet épisode. Et puis, il y a des commissions aussi concernant la culture. La jeunesse aussi a ses propres organisations qui ont leur mot à dire dans les conseils des villages. Et il y a des commissions concernant les médias. Voilà, on pourrait discuter beaucoup plus en détail de qu'est-ce qu'ils font, comment travaillent ces commissions-là, quels sont les problèmes. Je ne sais pas si on a vraiment le temps pour ça. Si, je pense mais que c'est intéressant. Si, on peut prendre voilà, le temps. Donc, bon, première nécessité, c'était l'autodéfense, quand même. Donc, ça, c'est les unités de résistance du Shingal, Yebeshe, et les unités féminines, ou les unités de femmes du Shingal, les Yejeshe. Et donc, ces structures-là, officiellement, ils sont rattachés au ministère de la Défense de l'Irak, sous un label... d'un ensemble de milices qui ont été créées dans la lutte contre Daesh. Et en cette fonction-là, ils reçoivent même une solde du ministère de la Défense de l'Irak. Mais le grand problème, c'est que l'Irak aimerait bien quand même se débarrasser un peu de toutes ces milices, les désarmer et remplacer par des unités régulières de l'armée. Alors du coup, tu veux dire que par rapport à l'époque où il a fallu combattre Daesh, il y avait plusieurs groupes qui avaient un ennemi commun, donc Daesh. À partir du moment où tous ces groupes-là étaient armés, il y a eu la décision de l'Irak d'essayer de justement se contrôler tous ces groupes armés, dont les Yézidis. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Et il faut maintenant aussi dire que ce n'est pas des groupes... c'est des structures militaires, mais qui sont quand même très différentes d'une armée régulière. C'est-à-dire qu'une éducation idéologique est quand même très importante. Le rôle aussi de libération des femmes, la voix des femmes dans ces structures est très importante. Il y a le principe de critique autocritique qui permet de justement critiquer des commandants et quand ils font des choses qui ne sont pas bien, de soit décider qu'ils doivent aller dans une éducation pour se remettre un peu les idées au clair, ou on peut aussi les remplacer par quelqu'un d'autre si ça ne s'améliore pas. Et il y a aussi ce principe qu'on retrouve par exemple aussi chez les apatistes, que ce n'est pas ces structures militaires qui ont le dernier mot dans les décisions. Ils doivent écouter les décisions qui sont prises dans les conseils des villages. Ils sont présents dans les assemblées des villages, mais ils doivent obéir à ces conseils-là. Ce n'est pas l'armée qui impose ces décisions. Bien évidemment, quand il s'agit des décisions purement militaires, évidemment, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui connaissent leur travail. Mais voilà, c'est quand même une dimension très importante que c'est les civils qui a le poids des décisions là-dessus. Et c'est un peu pareil pour les forces de sécurité internes qu'on appelle les Asaïches. ou Assaïch et Zitran, c'est souvent des gens qui habitent dans les quartiers où ils vont surtout faire un travail de résolution de conflits entre les gens et également un travail antiterroriste, donc essayer de trouver, démasquer des cellules dormantes de Daesh, contrôler qu'il n'y a pas des attentats qui vont se faire, et, etc. Et sinon, le principe de justice, c'est souvent qu'on essaye de trouver un accord entre les personnes impliquées et on vise plutôt une justice réparative qui peut être rendue par les conseils du village. Parfois, on fait appel aussi à des médiateurs qui sont respectés, genre des représentants d'un clan ou d'une tribu qui sont respectés par les deux côtés. Il y a des systèmes comme ça. C'est souvent très souple et organique. En tant qu'Européens, nous, on a souvent cette tendance qu'on veut une solution toute faite, toute technique. Là-bas, c'est très souvent adapté aux besoins, réinventé du jour en jour. Et il n'y a pas forcément un nombre de délégués fixes, pas forcément une fréquence de réunion fixe. Ça peut être très élevé en moment de crise, ça peut être plutôt tranquille quand il n'y a pas grand-chose à faire. Et toutes ces commissions, ils fonctionnent et visent aussi à représenter la voix de tout le monde. Donc, Et ceux qui travaillent dans ces commissions, donc pas ceux qui sont donc liés à la question armée et qui recevraient donc un solde de l'Irak, ces autres personnes qui travaillent pour la collectivité, pour les communautés, elles le font gratuitement. Ou elles ont un dédommagement, ou ça se passe comment en termes de rémunération de ces tâches qui sont faites pour la communauté? Donc alors, il y a des personnes qui reçoivent une petite paye, et sinon, c'est surtout le défraiement, quoi. Donc le logement, la nourriture, les déplacements qui sont pris en charge. Mais ce ne sont pas des gens qui vont maintenant devenir riches avec ces engagements. Mais parfois, c'est tellement demandant comme travail qu'ils n'ont pas le temps d'avoir un autre boulot à côté. Donc leur vie est prise en charge, mais sans maintenant des folies de luxe, quoi. Donc, et parce qu'à la base, ils sont plutôt paysans. Toutes ces personnes-là sur cette montagne, au Shengal, la majorité des gens sont paysans ou ça. Oui, une majorité de la population sont paysans. Après, on trouve quand même d'autres professions. Il y a aussi. Mais il faut dire que c'est vrai que dans le coin, il n'y a pas d'institution d'éducation majeure. Et l'université est loin, donc ça coûte cher pour y aller. C'est souvent, il faut louer une chambre à la ville, donc beaucoup de familles n'ont pas l'argent pour ça. Et ça fait que, la majorité des gens sont quand même obligés de se débrouiller d'une manière ou d'une autre sur place. Dans le passé, il y avait aussi beaucoup de gens qui sont allés, ou ça se passe encore, qui vont au Rojava, par exemple, pour se former là-bas, sur certaines tâches. Donc, par exemple, dans le secteur de la santé, on trouve ça beaucoup, des gens qui vont aller au Rojava pour se faire former, pour devenir infirmière ou médecin. Dans d'autres secteurs aussi. Puis, il y a aussi une grosse difficulté, c'est que cette région se retrouve aussi dans une situation comme sous un embargo. Donc, c'est très difficile d'obtenir des pièces d'échange pour des voitures, d'obtenir des médicaments, de l'équipement, des machines médicales. Donc, par exemple, pour faire une radio, où c'est quasiment inexistant. Et ça pose beaucoup de problèmes aussi par rapport à la distribution de l'eau, la distribution d'électricité, beaucoup d'infrastructures est encore cassée depuis la guerre qui officiellement s'est terminée en 2017. Mais depuis, cette région n'a jamais vraiment trouvé la paix. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut discuter après la pause. Qu'on peut faire maintenant. Allez, on fait une petite pause, super. On est toujours sur FPP 106.3. Pause musicale, c'est la jungle des luttes. Le temps de caler le morceau, d'ailleurs, on en profite pour remercier Alex de nous avoir envoyé les musiques et on va essayer de faire un effort de mettre les liens sur notre blog La Jungle des Luttes, comme le proposait justement tout à l'heure Alex, pour que vous puissiez continuer à cheminer sur cette aventure Shengal-Irak musique. Continue, on reprend notre fichier, bim bim, avec Alex. On est toujours avec Alex qui nous racontait ce qu'il avait rencontré dans le Shengal avec les Yézidis, ou bien comment on peut dire aussi également. En arabe, c'est Sinja, c'est souvent ça qu'on trouve dans la presse. Sinja. Voilà. Pour dire Shengal, enfin, ou ce qu'on peut dire. Donc voilà, du coup, une histoire de peuple qui résiste, qui construit son autonomie, et malgré toutes les violences, qui continue à donner de la vitalité et à construire. On te laisse continuer ton récit. Donc voilà, je vous ai parlé de la construction de ces structures de conseil autonome, de l'administration autonome avec plusieurs commissions thématiques qui sont gérées, qui gèrent les problèmes les plus possibles au niveau local et qui gèrent l'autodéfense. Et là, on va ouvrir un peu plus l'image grand sur le contexte dans la politique irakienne et dans la géopolitique du coin. Et parler aussi un peu des attaques qui ont eu lieu après le génocide, donc après la lutte contre Daesh. Donc officiellement, donc la région a été libérée de Daesh en 2017. Et je vous ai raconté qu'avant, c'était le PDK, donc le Parti démocratique du Kurdistan, donc le Kurdistan irakien contrôlé par le clan Barzani, qui avait l'administration sur la région. Et après qui a pris la fuite face à Daesh, donc qui a laissé les Yézidis se faire massacrer. Malgré tout ça, les Yézidis ont réussi à organiser leur autodéfense et commencer à construire leur structure dans la lutte contre Daesh. Et donc en 2017, le PDK avec ses forces armées a tenté de revenir et de reprendre le contrôle sur la région. Pour ce faire, ils ont utilisé, par exemple, des nouvelles armes que l'Allemagne leur avait fournies dans la guerre contre Daesh. Et au lieu de lutter contre Daesh, ils ont décidé de lutter contre les Yézidis et leur structure d'autonomie pour reprendre le contrôle sur la région de Shingal. Mais les unités d'autodéfense soutenues par des unités du PKK et aussi un mouvement massif populaire qui a commencé à bloquer les convois militaires sur la route et tout ça, ils n'ont pas réussi, même après 3 tentatives. En parallèle à ça, aussi, sur base de dire ces idées qui ont mené à la construction de ces conseils autonomes sont inspirées par le confédéralisme démocratique et les idées du PKK, la Turquie essaye de mettre tout en œuvre pour détruire ces structures autonomes et pour aider à rétablir un contrôle par le clan Barzani sur la région. Et donc, à partir de 2017, ils ont commencé aussi avec des frappes aériennes contre des cibles liées à l'administration autonome, à assassiner des gens qui s'engagent dans ces structures-là, à des fonctionnaires militaires dans les structures d'autodéfense et tout ça. Peut-être à souligner que ils justifient ça avec la guerre contre le terrorisme, mais pour moi, c'est ce qu'ils font, c'est pile poil ce que pour moi est une définition du terrorisme. Je vais m'expliquer. En fait, il y a en permanence des drones dans le ciel, au-dessus de Shingal, et des attaques qui peuvent être menées par ces drones à tout moment, contre des gens qui s'engagent justement dans la construction des structures de toute forme. Et il y a eu, par exemple, en 2021, le bombardement d'un hôpital. Et ça a mené au fait que la population, maintenant, ils ont peur d'aller à l'hôpital. D'un jour à l'autre, on a eu des chutes. Avant, ils avaient environ 5000 patients par jour. Et après, ça a chuté à 1000-1500 patients par jour qui venaient se faire soigner dans les hôpitaux. Quand on sort de la maison, on regarde d'abord le ciel, qu'est-ce qui se passe, on réfléchit deux fois, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce déplacement-là. Et beaucoup de problèmes de santé sont justement liés à ce stress permanent de regarder qu'est-ce qui se passe dans le ciel, est-ce qu'on va se faire attaquer. Donc il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ça, de santé, sous le prétexte, voilà, de se battre contre les terroristes. Il y a toute une population qui est terrorisée, en fait. Pour continuer un peu avec ça, donc, il y a la présence des unités d'autodéfense et il y a d'autres milices aussi qui se sont battues contre Daesh, qui sont présents dans la région. Normalement, les relations entre l'administration autonome, l'armée irakienne et ces milices-là sont plutôt bonnes. Donc, ils arrivent à négocier entre eux et à s'entendre. Chacun tolère l'autre, plus ou moins. Oui, voilà, c'est un peu ça l'idée. Par contre, il y a quand même cette volonté de se débarrasser de tous ces milices qui vont au cas où plutôt se tenir à leur territoire et aux intérêts de, bah, des peuples qu'ils représentent, plutôt que suivre les ordres d'un gouvernement fédéral qui a peut-être des idées contraires à leurs intérêts. Et donc, en 2020, il y a eu le soi-disant accord de Shingal, ou en anglais le Sinjar Agreement, qui a été conclu entre des représentants de Bagdad et Erbil, sans participation des Yézidis, sans participation des gens de Shingal. Et cet accord, en gros, dit que toutes les forces armées présentes dans la région sont à être désarmées et à se dissoudre, et qu'on va remettre l'administration au PDK, donc à Barzani, et qu'une nouvelle unité de l'armée irakienne va être créée et être chargée de la sécurité de Shingal. Sauf qu'avec l'expérience du dernier génocide, les Yézidis sur place disent non, on ne peut juste faire confiance à nous-mêmes et à nos propres structures d'autodéfense. On comprend aussi qu'un soldat qui vient, par exemple, du sud de l'Irak n'a pas envie de risquer sa vie pour une région qui n'est pas la sienne. Donc, ils insistent à avoir leurs propres unités de défense et sont prêts à défendre ces unités de défense. Donc, par exemple, quand moi j'étais sur place, il y a eu des tentatives de l'armée irakienne d'attaquer la région, de prendre des positions des unités de résistance du Shingal et de les désarmer. Et il y a eu des civils, des gens de la population qui se sont mis devant ces postes des Yébéchés et ont dit « Bon, bah, si vous voulez les désarmer, il faut d'abord que vous passez sur nous. » Ce qui a mené finalement à des négociations et des cessez-feu. Et voilà, il y a une espèce de situation tendue. Et une revendication centrale des Yézidis et des représentants de Shingal, c'est une renégociation de cet accord de Shingal sous participation des Yézidis et avec une reconnaissance de leur structure d'administration autonome comme être une structure existante déjà et d'avoir une légitimation des négociations pour ces accords et aussi d'avoir le droit à avoir leur propre unités de défense. Donc voilà, ça c'est plutôt en interne en Irak, quand même soutenu par la Turquie. Il y a la diplomatie turque qui œuvre beaucoup à soutenir cet accord de Shingal et à défaire toutes ces structures que les Yézidis ont construites. À savoir aussi que Shingal est sur la route entre la Turquie et Mossoul et Kirkuk. Ce sont des régions en Irak où il y a beaucoup de pétrole et la Turquie aimerait bien contrôler ces régions-là, soit directement par une occupation, soit à travers une influence, par exemple, qui se manifesterait avec le clan Barzani ou voilà, des influences économiques. Il y a également le projet d'ouvrir de nouvelles voies de transport. Donc, on parle de, par exemple, Belt Road Initiative. Donc, ça, c'est un chemin qui partira de la côte irakienne ou peut-être de l'Arabie saoudite qui traverse la frontière irakienne-turque pour amener des biens en Europe et qui fait concurrence avec le canal de Suez. Et il y a aussi la Chine qui a un intérêt à construire la nouvelle route de la soie qui passe également par cette région-là. Et puis, il y a l'Iran qui a envie de contrer l'influence de la Turquie et qui également essaie de positionner ses points dans l'Irak. Et donc, on trouve que voilà, cette région de Shingal se trouve dans un grand carrefour de beaucoup de puissances locales et internationales qui ont envie de contrôler cette région pour des raisons diverses. Mais ce qui augmente énormément la pression et rend les négociations tellement compliquées. Dans ce contexte aussi, peut-être à citer que la Turquie est en train de préparer une intervention militaire majeure dans le nord de l'Irak pour contrôler toute une bande le long de sa frontière et pour réaliser ces structures de transport, des nouvelles pipelines, etc. Dans ce contexte global de transport des biens vers l'Europe, ce qui rendrait d'ailleurs aussi l'Europe encore plus dépendante de la Turquie. Qu'est-ce que je voulais dire ? On voulait parler peut-être pour rendre hommage à toutes ces femmes aussi qui combattent. Et comme tu le disais justement au départ, c'était Rojava qui est un exemple important et la place des femmes essentielle aussi, justement aussi dans le Sénégal. Oui, donc je vous ai dit qu'il existe cette organisation des femmes, TAJE, qui vient de lancer une campagne qui s'appelle « Soyez la voix de l'autodéfense », qui a démarré le 8 mars cette année. Symbolique, très symbolique aussi, le 8 mars, il y a eu un frappe de drone à Sénégal avec un mort. Et le lendemain, il y a eu un frappe de drone contre la cérémonie de l'enterrement de cette personne-là. Dans tous les cas, cette campagne, c'est une campagne qui vise à toucher un public international. Donc on peut la relayer en France, on peut trouver les documents en français aussi. Qu'est-ce qu'il vise avec cette campagne ? En premier lieu, c'est la reconnaissance du génocide au niveau international comme génocide et la poursuite aussi des responsables de ce génocide, c'est-à-dire les membres de Daesh, mais aussi les gens qui ont laissé faire ce génocide se passer, c'est-à-dire les responsables du gouvernement du Kurdistan irakien et les responsables du gouvernement fédéral de l'Irak qui ont détourné leur regard à ce moment-là. Il y a également la demande de reconnaître le féminicide comme un crime contre l'humanité qu'on peut poursuivre. Il y a la demande d'une renégociation de l'accord de Sénégal sous participation des yézidis et des structures du conseil de l'administration autonome du Sénégal, ce qui implique aussi une reconnaissance de l'existence de ces structures-là. Et de les reconnaître comme partenaires de négociation. Et puis, il y a aussi très urgent, la demande aussi d'arrêter les attaques contre la région, c'est-à-dire les attaques de drones, les attaques par avion, et aussi les attaques terrestres qui sont souvent menées par l'armée irakienne, qui attaquent par le sol avec des tanks, avec des soldats, dans le but de forcer la réalisation de cet accord de Sénégal dont on a parlé. De se désarmer. Voilà, c'est bien ça. Et il y a également aussi la demande de mettre en œuvre, de donner des moyens pour retrouver des femmes, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a environ 2000 femmes qui sont encore portées disparues, c'est-à-dire qu'avec toute probabilité, se trouvent aujourd'hui encore dans des familles de Daesh ou proches de Daesh en tant qu'esclaves, et qu'il faut retrouver, libérer et leur permettre de revenir dans la région. C'est malgré toutes ces attaques et beaucoup de problèmes qu'on n'a pas le temps de détailler, malheureusement, mais je vous invite de faire vos recherches vous-même et on va vous mettre quelques références aussi bibliographiques dans la description. Malgré tous ces problèmes-là, la construction et l'organisation de l'administration autonome avance avec toutes les structures qui sont en train de faire, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, la distribution de l'eau, la reconstruction des routes, des maisons. Les gens sur place, malgré tous les problèmes qu'on voit, ont une pêche incroyable. Et garde le moral haute. Ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais là-bas. Et en revenant en Europe, j'avais l'impression qu'ici, tout le monde est déprimé. Alors que comparé aux problèmes qu'on voit dans ces régions en Irak, on vit très bien ici et on se casse la tête avec des problèmes vraiment ridicules. Donc, je pense que ça, c'est vraiment aussi une posture d'esprit qu'on peut, dont on peut s'inspirer chez nous, dans nos luttes aussi. Et également, penser à eux, aider à les défendre et à augmenter une pression diplomatique internationale. Mais également aussi s'en inspirer pour organiser nos luttes chez nous, prendre un morceau de cette énergie-là pour la porter chez nous, ou comme les apatistes disent, avoir une petite flamme dans son cœur quand on maintient un feu révolutionnaire allumé. Donc je vous invite de découvrir, vous pouvez suivre... par exemple, les sites du TAJ. Donc, ce TAJ, ça s'écrit T-A-J-E. Et après, sur le site, il y a un tiret et ce Schengal, S-H-E-N-G-A-L. Et sinon, il y a aussi le site du réseau de solidarité francophone Serhildan. Donc, c'est S-E-R-H-I-L-D-A-N.org. Qui relaie des articles qui concernent tout le Kurdistan, mais aussi cette région Schengal. Donc voilà, et qui référence après des livres qui vont parler plus spécifiquement de ce sujet-là. On peut vous mettre quelques liens sur le site de la Jungle des Luttes. Je pense qu'avec ça, j'ai dit... des choses importantes que j'avais le temps de dire. et je te remercie pour l'invitation. Non, merci, merci à toi. C'était très bien de pouvoir découvrir un autre espace de résistance. Et donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et à l'occasion, ben, on pourra peut-être éventuellement diffuser aussi sur le site du CSPCL. Cette campagne, relayer cette campagne des femmes lancées depuis le Schengal. Merci à toi, Alex. À tout bientôt. Merci beaucoup. Et gardez en tête, ça j'aime bien citer un personnage important de l'administration autonome du Schengal qui disait que le bien le plus important et le plus précieux qu'on a, c'est d'être humain. C'est un bien qu'on ne peut pas acheter, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échanger par de l'or, et c'est quand même le plus haut de développer notre langue, notre culture, notre conscience et notre autodétermination. Merci beaucoup. La lucha sigue. La lucha sigue, sigue 106.3 FPP, fréquence Paris plurielle. La lucha sigue, Lucien, une pensée. Pour toi, et donc on est juste avec un tout petit peu de temps pour mettre un tout petit peu de musique et ensuite on enchaînera avec notre générique de fin et vous pouvez nous réécouter le troisième lundi du mois prochain. Merci à vous, merci à la technique Pascal CSPCL. Vous pouvez nous retrouver le mercredi soir à 20h, le premier, troisième et cinquième mercredi du mois. Il y a aussi un site, hein, csspcl.ouvaton.org, pour avoir des infos et nous rencontrer. Merci, ciao. 106.3 FPP, Jungle des Luttes, c'est fini. امن ام ایروش پرستن ام بر خدیرین جنه جن امن ام ایروش پرستن جنگا شرفین دره جن تجاری گا پاش نابه جن جنگا شرفین دره جن تجاری گا پاش نابه جن بشی بشی زید خان را به سر هلدان شبو خسری یا خواب به پارزوان بشی بشی زید خان را به سر هلدان شبو خسری یا خواب به پارزوان بخیرت بدک کشر بدشی بی بختان شبو خسری یا خواب به پارزوان بخیرت بدک کشر بدشی بی بختان شبو خسری یا خواب به پارزوان Thank you. خان را به سر هلدان شبو خسری آخوه ببه بارز بان بخیرت بدک و شربه دشی بی بختان شبو خسری آخوه ببه بارز بان بخیرت بدک و شربه دشی بی بختان شبو خسری آخوه ببه بارز بان زردار واری گندنر ام خوجه هیشه اتماله نادم زردار واری گندنر ام خوجه هیشه اتماله یقا شه زفار استن بشار و شاجه غاکوشن یقا شه زفار استن بشار و شاجه غاکوشن بشی بشی زید خان را به سر هلدان شبو خسری آخوه ببه پارزوان بشی بشی زید خان را به سر هلدان شبو خسری آخوه ببه پارزوان بخیرت بدک و شربه دشی بی بختان شبو خسری آخوه ببه پارزوان بخیرت بدک و شربه دشی بی بختان شبو خسری آخوه ببه پارزوان